On m'a passé une commande spéciale. Vous savez, nous sommes dans le temps du carême. Bon, c'est pas moi votre carême, c'est vous avez un parcours sur les péchés capitaux, vous êtes au courant? Un petit peu? On est arrivé où? Il y en a qui suivent? Non, en fait. Nous allons parler de la colère. Un jour, un petit garçon, il s'appelle Brice, je crois, il rentre à la maison, sa mamie pour être au courant. Attendez, il n'y a rien de rigolo encore. Il rentre à la maison, sa mamie pour être un peu au courant de ce que le prêtre a raconté, lui dit alors, de quoi il a parlé? Du péché. Et alors, il est contre. Bon, elle n'est pas terrible. Je m'améliore pas, bon. Allez. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la colère. Ça, j'ai pas mis Père Brice en colère. Il est parti. Non. Il revient, ça va. Reviens. Alors, normalement, aujourd'hui, alors nous avons entendu l'évangile de la Samaritaine, mais c'était, comme nous sommes dans l'année B, l'évangile de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Alors, je vais me permettre de ne pas parler de cet évangile parce que j'ai pas trouvé de rapport avec ce que j'avais préparé, ce qu'on m'a demandé, et puis l'évangile du jour, en lien avec les catéchumènes, qui vont faire une étape, un scrutin tout à l'heure. Mais dans l'évangile du jour, on voit Jésus qui met dehors avec force les vendeurs du temple. Parfois on parle qu'il est habité d'une sainte colère. Alors en fait, dans l'évangile, il parle pas de colère. L'interprétation que donne l'évangéliste, il dit les apôtres se souvinrent de la parole qui se trouve dans la Bible et qui dit « L'amour de ta maison me dévorera. » L'interprétation de cette action faite par Jésus avec force, c'est dépend de l'amour du Seigneur. Et de même, dans l'Ancien Testament, quand assez souvent on parle de la colère de Dieu, bien sûr c'est un mot. Il faut bien une image pour comprendre et pour exprimer cette réalité mystérieuse mais mystique de Dieu. Et nous verrons d'ailleurs qu'il y a la colère de Dieu et la colère des hommes. Et nous verrons bien la différence. Ça serait intéressant d'avoir un mot différent justement. Mais bon, faisons avec ce que notre langue nous donne. Et la colère de Dieu est toujours cette force mise en œuvre par Dieu face à l'injustice, pour enlever l'injustice. Cette force du Seigneur et qui jaillit de l'amour de son cœur, mais aussi de sa sainteté face aux injustices et entre autres la plus grande, bien sûr, qui a un autre nom, c'est le péché. Il n'y a rien de plus injuste que chacun des péchés. Et entre autres aussi, tous les péchés d'idolâtrie, c'est-à-dire que Dieu, alors qu'il est infiniment bon, infiniment aimable, ne fait que du bien, aime infiniment ses enfants, ceux-ci se détournent et de façon injuste, injustement, adorent de faux dieux, s'attachent à de faux dieux, rendent un culte, et se rendent esclaves de la sorte, à toutes sortes de créatures, de faux dieux, d'idoles. Et cette colère de Dieu se manifeste par des maux, que ce soit la famine, la lèpre, c'est-à-dire l'être, la créature humaine ne fait pas de mal sans que, comme dit aussi l'auteur biblique, il creuse un trou et il y tombe lui-même. Il jette un brandon qui lui tombe dessus. C'est-à-dire, Si je frappe le mur avec mon poing, j'aurai mal. Il y a comme une, presque, on pourrait parler de justice immanente, que le mal fait mal. Mais c'est notre Seigneur Jésus qui, comme toutes les réalités déjà annoncées, proposées dans l'Ancien Testament, les réalise, les accomplit. Et ce qui est impressionnant, chers frères et sœurs, c'est que notre Seigneur prend sur lui toutes ces conséquences du mal. Jérémie parle d'une coupe où fermente le raisin de la colère. Et qui dit, ceux qui font le mal boiront cette coupe jusqu'à la lie. Et finalement, c'est notre Seigneur lui-même qui vient la prendre. Vous rappelez à Gethsémani, de quelle coupe parle-t-il quand il dit « Éloigne de moi cette coupe, si ce n'est cette coupe du poids, avec le poids de tous les maux, de tous les maux que les hommes et les femmes et nous-mêmes avons pu commettre, toute iniquité. » Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur nous aime. Maintenant, pour la colère humaine, nous faisons l'expérience, nous aussi, devant l'injustice de cette chose qui monte en nous, malheureusement marquée par nos limites et notre péché, par notre amour propre, par notre orgueil. Notre colère est bien sûr souvent entachée, donc elle se marque sur notre visage, nous pouvons devenir tout rouges, avoir les narines qui frétillent. Ça vous fait ça, non? Et ensuite, un obscurcissement de la raison. C'est-à-dire, c'est une passion qui est plus forte que nous, qui monte, qui prend le dessus et qui nous fait agir aveuglément. Alors que peut-être, à la base, elle peut être une réaction face à l'injustice. Elle est transformée en une action injuste, sans charité, où nos paroles vont dépasser notre pensée, où nos paroles vont être à tous les coups, si elles sont dites avec colère humaine, elles vont casser, elles vont détruire, elles vont blesser en face. Ce ne sera jamais une parole constructrice qui va édifier et qui va rétablir la justice, mais au contraire, va abîmer. Cette colère qui va jaillir, qui va se manifester, que ce soit en parole, que ce soit en attitude, aussi non verbale, ou même en violence, habitée de cette violence, va faire du mal. Va faire du mal. Alors elle peut éclater, elle peut être latente, et si nous la retenons contre nous-mêmes, elle nous abîme. Elle nous ronge et nous en sommes esclaves. Mais notre Seigneur, bien sûr, dans sa grande bonté, nous donne les remèdes à tous nos maux. Même si, comme dit le prophète Jérémie, le cœur de l'homme est bien malade, même si les racines peuvent être profondes de ces maux, et bien justement, par sa miséricorde, nous pouvons nous en sortir. L'origine, très souvent, de cette violence latente remonte probablement à chacune de nos histoires dans notre enfance, très souvent, quand nous avons été abîmés, blessés, objets nous-mêmes d'une certaine violence, d'une certaine colère ou de l'injustice. Et la colère devient en nous comme une action, une réaction de protection à toute agression, quand nous sommes soit contrariés, quand nous avons l'impression de ne pas être respectés, d'être attaqués, d'être opprimés. Et grâce à Dieu, comme je le disais, nous pouvons nous en sortir et guérir et déraciner cette colère. Puisque bien sûr, c'est pas ce que nous voulons, même si à certains moments, quand elle s'exprime, après coup, parfois on peut se sentir soulagé, on peut avoir l'impression de s'être exprimé, de s'être fait respecter. Mais bien sûr, c'est un plaisir éphémère, puisqu'on se rend compte que l'on a été dur et injuste, et pas dans la charité, et pas constructif. Eh bien, frères et sœurs, il n'y a qu'une seule issue. Une seule issue pour déraciner cette colère, ces injustices qui nous ont marqués. Eh bien, c'est de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Pardonner et nous réconcilier avec notre propre histoire. Et ce temps de carême, et je vous invite à en profiter pour, par votre vie spirituelle, j'espère que vous en avez une, à l'approfondir et à ne pas avoir peur, à, avec la grâce de Dieu, de revisiter le fond de nos cœurs et peut-être les racines dont je parlais et à les regarder en face avec la miséricorde du Seigneur. Avec un regard d'espérance, avec un regard de confiance, et en se laissant revisiter chacun des événements, peut-être douloureux, de notre existence, réussir et demander la grâce de déborder d'amour. Et là où je me suis crispé, fermé, où je me suis blessé moi-même en me faisant des fausses promesses, que ce soit de vengeance, de protection ou de dureté, eh bien je puisse déborder de la grâce, de l'amour et pardonner, que je puisse me réconcilier avec ma propre histoire, que je puisse me réconcilier, en tout cas déjà, pardonner, parce que la réconciliation, il faut le pardon des deux côtés, et parfois c'est pas toujours possible. Par contre, le pardon de notre côté est toujours possible avec la grâce de Dieu. Bien, frères et sœurs, que ce temps, comme pour la Samaritaine, la vérité, le regard de vérité du Christ sur sa vie qui ne condamne pas, qui relève et qui purifie, eh bien, ce regard de vérité la sauve. Elle se sent aimée. Elle se sent respectée, elle devient ainsi apôtre, et bien que nous puissions vivre la même expérience pendant notre carême, pendant nos temps de prière. Et si nous n'en avons pas de temps de prière, et bien il n'est jamais trop tard pour décider, pour se soutenir en frères et sœurs, en famille, et pour ainsi grandir dans l'amour. Et enlever ces racines d'iniquité. Que notre colère, cette force d'amour en nous, puisse de plus en plus ressembler à celle du Seigneur.